pour le bout du monde. Les doigts de main poussent et le cœur se lâche. Vite compris que la terre est ronde. Les humains sont comme des voyages. Les gros dehors, tout petit en dedans. bonhomme habillé pareil, dans toutes les teintes de kaki, se vendent eux aussi pour une veille. Ils obéissent. Y'a tellement de machines à tuer, on se demande où s'en va la vie. La boule, c'est l'enfer déguisé, fabriqué aux États-Unis. Et moins tu comprends. À quoi ça sert de t'en rêver? Plus qu'on avance en reculant, ceux qui attendent le Messie en avançant comme des myopes. Pour le voir, ils donneraient leur vie, mais c'est peut-être lui qui fait du stop. T'es parti pour le bout. C'est le soleil puis les orages. Tu voudrais que ta vie soit féconde.